Les États-Unis tentent d'adopter une nouvelle résolution de sanctions contre la République populaire démocratique de Corée, entassant de menaces mondiales sa réussite au lancement expérimental de la fusée balistique intercontinentale de type Phason 14, et le porte-parole du ministère des Affaires étrangères de la République populaire démocratique de Corée a répondu le 14 aux questions de l'Agence télégraphique centrale de Corée en ce qui le concerne. En voici le résumé. À la suite de la réunion urgente du Conseil de sécurité de l'ONU, les Américains lancent tous les jours des propos pernicieux en mettant en cause notre lancement de la fusée balistique intercontinentale d'une part, et de l'autre, recourent à la publication d'une déclaration commune pour soulever le climat d'embargo contre notre République avec les pays satellites. Les Américains ont distribué au sein du Conseil de sécurité de l'ONU le projet de la nouvelle résolution de sanctions en faisant remarquer d'en procéder au vote sans compromis. L'adoption de la nouvelle résolution de sanctions est le dévoilement de la volonté cruelle de dissimuler leur crime de nous avoir poussés au renforcement des forces nucléaires par leur politique d'hostilité extrême et leurs menaces et chantage nucléaires contre notre pays, et de supprimer notre souveraineté et notre droit à l'existence. Par la réussite au lancement de la fusée, nous avons montré clairement notre volonté et notre capacité de frappe pour exterminer d'un seul coup le cœur des Américains s'ils se conduisent à la légère. C'est un acte suicidaire que les Américains recourent toujours à la sanction et à la pression contre notre pays, au lieu de réfléchir au sérieux à notre position stratégique à l'apogée. Si une nouvelle résolution d'embargo est adoptée au Conseil de sécurité de l'ONU, nous prendrons des mesures requises pour y répondre par une action juste.